Camarade, à la jeunesse sous pression. Sans système tonne, que le système tombe. Salut, vous êtes à l'écoute de Sous Pression, émission de Punk Sky Hardcore francophone qui diffuse toutes les semaines à partir du souspressionpunk.com, aussi à la radio CHO 89,1 FM Ottawa et à Yolonef, le CVR 103,5 FM. Comme tous les semaines, évidemment, je vais faire jouer du Punk Sky Hardcore juste pendant 60 minutes, tout en français. Cette semaine, j'ai une émission un peu spéciale de planifier pour vous. Bon, en fait, toutes les émissions à chaque semaine sont spéciales, évidemment. Mais cette semaine, je me suis procuré une couple d'albums du label Ronce Records, label français de punk rock. Je vais faire jouer un peu de groupe de Ronce Records. Je vais faire jouer du Comptoir Chaos, du Quartier Libre, du Punch Chaos ou du Punch Chaos. Peu importe comment vous voulez dire. En tout cas, je vais faire jouer ça pendant l'émission. Je peux aussi faire jouer du nouveau de Chaviré. Il y a aussi un groupe que j'ai découvert récemment, ces gens-là. Je vais faire jouer ça un peu plus tard dans l'émission. Mais en ce moment, on va commencer avec du Punch KO de leur album Demain le KO, le premier morceau depuis 6000 ans, La Guerre. Alors restez à l'écoute, ça va être une bonne émission. partie du jeu. On préfère parler à nos camarades. Ce vécu, on l'a si bien gueulé. Allez les gars, pourquoi on continue pas à chanter? On brûle le boulot de mise en liberté. Mega méga fan pour rêver les morts. Mega méga fan sans remords, sans temps. C'est un chaos, ça verra bientôt. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Suppression. Là, on écoute un peu de 8-6 crew, du vieux 8-6 crew en arrière-plan, un peu de dub. On vient d'écouter dans le dernier bloc, on a écouté du Punch K.O. On a commencé avec ça dans leur album Demain le K.O. Le morceau depuis 6000 ans, La Guerre. Les Ordures Organiques, après ça, un morceau tiré, j'imagine, ça sera de leur nouvel album qui va sortir, je sais pas quand, bientôt, j'imagine, de sur Ronce Records. Le morceau s'appelle Idiocratie. La Gâchette, après ça, de leur album Ne Renoncera Pas, c'était le morceau On se reverra en tôle. Et on vient terminer avec du Banlieue Rouge. Le morceau Au cœur de la tempête, ce morceau-là, tiré d'un album live qu'ils ont enregistré en 2015, je crois, lors de leur concert au Rockfest à Montebello. Ils se sont reformés pour un dernier concert et ils l'ont enregistré et ont mis l'album en ligne. Alors, c'était tiré de cet album-là, originalement tiré de l'album Engrenage. Alors, on va continuer maintenant avec un groupe. Le groupe s'appelle, bien évidemment, on va continuer avec un groupe. On va continuer avec ces gens-là. Groupe que on m'a fait découvrir juste au cours de la dernière semaine. Je vais jouer un morceau de leur deuxième EP. L'EP s'appelle Second Temps. Je vais faire jouer le morceau Peu d'enfance. Le groupe français, je pense, prévoit de sortir un album dans quelques prochains mois. Restez à l'écoute de sous-pression dans les quelques prochains mois parce qu'on va vous donner des nouvelles une fois que j'en ai. Mais entre-temps, on va écouter ces gens-là de leur deuxième EP, Second Temps, le morceau Peu d'enfance. Tout ça pourrait escroquer, oublier, voler. Me on vient tous de la même terre. De Strasbourg à Marseille jusqu'à Ripon. Je n'ai voulu, je ne m'identifierai pas. Je ne veux surtout pas être divisé, car dans ma vie je suis civilisé. Lors village, je ne sais plus si tu m'as plu. Lors village, n'en parlons plus, n'en parlons plus. Lors village, je ne sais plus si tu m'as plu. Lors village, n'en parlons plus. Savoir craquer, l'illusion a tout déchiré. Être sensé n'empêche pas d'être humilié. Je n'oublie pas, tout finit par se payer. nation sacrifiée contre toutes les inégalités. Nous, la génération sacrifiée. Appel à la révolte, en rage et contre tous. Appel à la révolte, en rage et contre tous. Appel à la révolte, en rage et contre tous. Appel à la révolte, en rage et contre tous. Appel à la Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Soupression. On vient d'écouter du Comptoir Chaos de leur album Seconde Génération. C'était le morceau Contre Tous. Quartier Libre avant ça, de l'album Un Peu Juste, le morceau L'Arbinage. Et on a commencé avec du Ces Gens-là, de leur EP Second Temps, le morceau Peu d'Enfance. Alors, on est rendu mi-chemin de l'émission. Je vais vous dire, vous informer peut-être pour la première fois, si vous écoutez pour la première fois, que Soupression a une présence sur Facebook comme tout le monde et tous ces jours-ci. Allez checker facebook.com/sous-pression et vous pouvez cliquer j'aime si vous êtes sur Facebook, vous savez comment ça marche. Alors allez checker la page Facebook de l'émission, vous venir à jour avec ce qui se passe dans le monde du punk skyzarker francophone. Et bien sûr, évidemment, le site web sous-pressionpunk.com, ça j'en ai déjà parlé puis j'en parle à tous les semaines. Et si vous voulez m'envoyer un message plus en direct par courriel info@commercialsouspressionpunk.com, ça me fait toujours plaisir de recevoir des commentaires, des demandes spéciales, des plaintes, de la musique, n'importe quoi là. Faut que j'avoue que j'ai pas eu de plainte à date, là. Ça fait 7 ans que je suis l'émission, j'ai jamais vraiment eu de plainte. Alors, si vous voulez être la première personne à faire une plainte par courriel, allez-y fort. Vous allez avoir l'honneur. Alors c'est ça, on continue la musique avec le bloc sono mondial, moment de l'émission où on fait jouer des chansons par des groupes à l'extérieur des mondes anglophones et francophones. Cette semaine, je vais faire jouer un groupe de l'Allemagne. Le groupe s'appelle Kira Kanoa. Je vais jouer deux morceaux de leur album Impressionen, le morceau Keine Farben et le morceau Siempre Antifascista. Voici du Kira Kanoa à sous pression. Kira Kinoa avec les morceaux Kanye Farben et Siempre Antifascista. On continue avec du nouveau de Chaviré de leur plus récent album Interstice. C'est le morceau Nous contre nous. S'il faut refaire l'histoire de nos défaites, aucun par cas. S'il faut refaire l'histoire de nos défaites, aucun par cas. S'il faut refaire l'histoire de nos défaites, aucun par cas. Dans ce dessert. Chacun pour soi, chacun sa guerre. Pour se placer, ses rois. Tant qu'on nous croit, sous la fosse. Cette vie dont nous ne voulons pas. En notre abat, nos postures surannées. Nos façons d'être au mauvais coup du jour. Tout ce que nous avons à perdre, c'est cette vie dont nous ne voulons pas. Si les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, pas le temps pour les regrets. Si les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, si les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes. signe sous ton nom qui dévoile l'espoir. Dans mon cœur, tu seras toujours là. Sous la branche d'olivier, je te vengerai. Du crime fait constater les dégâts. Tel un fantôme survivant de triste constat. La justice s'assaillit, la terre est meurtrie par les débris. Plus rien à mettre sur la table, ni même une goutte d'eau potable. Le ciel veut manger maintenant les bombes vivides de pluie. Ces gestes certainement resteront impunis. Y'a bien longtemps que ça m'oublie, ça se jette et on compte du soir. Mais ces oliviers gardés, non, c'est pas. Depuis la première intifada, les bombardements à Gaza, ce long cri comme bouclier, pour bien pour nous guider. Ainsi sous ton nom qui dévoile l'espoir, dans mon cœur sera toujours là. Sous la branche d'olivier, je te vengerai. On vient d'écouter du Action Sédition de leur split avec Bull Brigade, le morceau Sous la branche d'olivier, du Boulon and Crew avant ça avec le morceau Boulon and Crew, tiré de leur démo, et les paroles de cette chanson-là, évidemment très compliquées. Macadam avant ça de leur album Écoutes d'urgence, le morceau Nouvelle Vague, Gerbia avec Persister dans l'erreur, Jeunesse Apatride avec le morceau Tard d'accueil de leur album L'arme au point, et on a commencé le dernier bloc avec du Chaviré de leur plus récent album Interstice, le morceau Nous contre nous. J'ai le temps de vous laisser avec un dernier morceau, on va écouter du Justine de leur album Des plus et moins, le morceau Tu ne marcheras plus jamais seul. Le groupe Justine planifie de sortir un album en automne, je crois en octobre. Vous pouvez précommander l'album si vous voulez vous le procurer une fois que ça sort. Alors c'est ça, je vous laisse avec Justine, passez une excellente semaine, on se retrouve la semaine prochaine.